L'heure amère, pas qu'un mime au clair. Mon ami, dit doucement Madame de Sermaine, mon ami, comme je suis heureuse de vous avoir auprès de moi pour de longs jours, dans cette maison calme, loin de Paris et du monde. J'ai tant de choses à vous confier, tant d'impressions confuses que votre esprit saura saisir et m'expliquer. À présent que ma vie de femme est achevée, que je vais être vraiment une vieille dame, et que je puis déposer tout le fardeau d'une existence que j'ai vécue sans jamais l'aimer, à présent je me sens légère et nouvelle. Ce que j'aperçois devant moi, et qui désole tant de femmes, me semble plein de douceur dorée. Il faudra que nous parlions de tout cela. » M. d'Aligné ne répondit pas. Ils étaient assis dans le jardin, sous des tilleuls, dont la tiédeur du crépuscule avivait le parfum. Et il regardait bouger sur les contrevents verts le reflet ouvragé des branchages caressés par le soleil de 6 heures. Alors, Berthe de Sermaine rajusta une dentelle sur ses beaux cheveux gris et soupira. Puis elle reprit. « De tous ceux que j'ai connus, personne ne m'a été aussi fraternel que vous. Je vous ai tout confié. J'ai toujours trouvé en vous le conseil, la consolation, l'aide. Vous avez été si bon pour moi. » Il fit un léger geste de protestation. « À quoi bon parler de cela ? J'ai obéi à mes sympathies, mon ami, tout simplement. » Elle sourit. « Oui, oui, je sais. Vous allez même me démontrer que c'était par pur égoïsme. Enfin, vous serez toujours le même. En attendant, mon égoïsme a dû infiniment au vôtre, tantôt lorsque je souffrais de mon mari, tantôt dans la vie violente, orageuse, qui a suivi mon veuvage et s'est prolongée jusqu'à maintenant, à cette heure où le temps a accompli son œuvre et détruit en moi d'irritantes pensées. Mais voyez-vous, ce qui m'a peut-être fait le plus de plaisir dans nos relations, ce qui m'a peut-être le plus attaché à vous, et ce qui maintenant me promet les plus entières joies en votre compagnie, c'est que vous avez été vraiment, et sans nuance, un ami pour moi. C'est que vous ne m'avez jamais désiré. » Madame d'Aligny fit encore un geste, mais elle ne le vit pas, trop animée par sa propre pensée. Elle continua avec expansion. « Si vous saviez combien cela me plaît, vous ne m'avez jamais désiré. Personne n'a fait pour moi ce que vous avez fait. Et cependant, vous ne m'avez jamais forcé à me poser à votre propos la question secrète que toute femme se pose. Quand un homme est intervenu dans sa vie avec dévouement, et quand il peut plaire autant que tous les autres. Tous les hommes que j'ai connus, parlons franchement. Tous ceux auxquels j'ai pu céder, quelque attrait que je leur ai trouvé, m'apparaissaient à présent un peu comme des créanciers. Ils ornèrent ma vie, je leur rendis ma beauté. J'ai arrêté le compte, je ne dois rien, mais l'oubli est déjà venu. À vous, je dois tout. Et il m'est infiniment bon de songer que des années d'affection pure ne sauront jamais vous récompenser suffisamment. Vous m'avez réservé cette possibilité avec une telle délicatesse. Votre figure, dans ma mémoire, ne ressemble à aucune autre. C'est maintenant seulement que je comprends l'hommage que vous m'avez rendu en ne me souhaitant pas. J'y ai pensé profondément ces temps-ci, m'en étant étonné à diverses reprises autrefois, et c'est pour cela que je vous ai prié de me rejoindre à la campagne. C'est cela que je tenais à vous dire. » M. d'Aligny tremblait un peu. Il prononça. « Tant mieux, si j'ai pu mériter à ce point votre confiance. Vous avez été étonné, dites-vous, quelquefois, de mon manque de désir ?»« Oui, » dit Madame de Sermaine. « J'étais très belle. À 50 ans, j'ai le droit de parler de cela sans ridicule. Tout le monde me désirait. Ah, mon ami, quoi que j'ai vécu, que j'ai accepté, que j'ai voulu certaines circonstances, si vous saviez combien ce désir immédiat et continuel me lassait l'âme par moments. On aimait la statue où j'étais enclose. Quel repos trouver en vous l'homme qui ne pensait jamais à la statue et qui chérissait la prisonnière. Cependant, c'est vrai, j'étais surprise parfois, si je n'ai jamais eu la sottise de me blesser. Vous n'aimiez personne. Je me demandais pourquoi vous ne songiez pas à moi. Et puis j'ai compris que je ne vous plaisais pas. Et voilà que j'en suis infiniment contente. Je ne voudrais pas gâter votre contentement, Berthe, répondit sourdement M. d'Aligny. Mais la vérité ne vous a jamais offensé. Vous me pensez autre que je ne fus. Je vous ai aimé, comme les autres. C'est même pour cela que je ne me suis attaché à aucune femme. Moi aussi, j'ai 50 ans, et je peux dire cela sans ridicule. Oh, dit madame de Sermaine. Elle regarda son ami, il était pâle et fébrile, et elle comprit tout de suite, fut saisie, balbutia. « Vous ne m'avez jamais rien dit. J'ai préféré cela. Pourquoi ?» Alors il leva les yeux et dit gravement. « Pour devenir un jour cette figure qui, dans votre mémoire, ne ressemble à aucune autre. » Elle murmura. « Je n'ai pas deviné. Et vous avez su tout ce qui m'est arrivé. Je vous confiais, je vous consultais. Mais alors, vous avez dû souffrir. » Il dit brièvement, « Beaucoup. N'en parlons plus, c'est loin. Ce que vous me dites maintenant me console de tout. Je serai à présent dans ceux qui vous regrettent ou vous ont oublié, dans ceux que vous ne regrettez pas et que vous avez oubliés. » Elle dit encore, « Si vous aviez parlé, vous aimiez mon âme, malgré tous ses défauts et ses folies, même encore, je ne savais pas. Ah, pourquoi vous avoir fait du mal, à vous ? Écoutez, Berthe, n'achevez pas votre pensée. » dit M. d'Aligny. Elle frissonna, puis résolument, « Mais si, je vous dois de l'achever. Moi qui étais si fière, si content d'être affectionnée ainsi, ce n'était donc qu'au prix de votre peine cachée. Et sans doute, parce que vous me voyez m'enfiévrer pour des gens auxquels je tenais moins qu'à vous, j'aurais dû forcer votre silence, sacrifier ce petit contentement que je découvre si mesquin à présent. Allez au plus digne, devinez, osez. Taisez-vous, Berthe, je vous en prie. » Elle lui prit la main. « Je l'aurais fait, sachez-le, Roger. Je vous fais du mal en disant cela trop tard, mais nous ne nous attendions pas à souffrir ce soir. Il faut souffrir et être loyaux. C'est pourquoi je vous le dis. Je l'aurais fait, mon ami, et pas comme je l'ai fait pour d'autres. Mais comme vous vous êtes bien caché, comme je vous admire d'avoir la douleur si muette. Non, ce n'aurait pas été comme pour eux. Oh, si vous pouviez le croire. Quelle honte, si c'est cela qui vous a retenu, si vous pouviez me croire. » Le soir tombait, presque froid tout à coup. M. d'Aligny devina qu'elle pleurait. Il dit lentement, « Je vous crois. J'ai tout voulu. J'ai choisi mon heure. On peut choisir une heure dans la vie d'une femme qu'on aime, et je vous adorais. Et j'ai voulu l'heure où ils s'en vont tous, pour vous avoir plus à moi. Et c'est l'heure amère, et c'est l'heure douce, à mon cœur inquiet. Ne pleurez pas. Maintenant, je n'ai plus à douter ni de vous ni de moi. Maintenant, vous êtes mienne, et voici notre automne. » Elle dit éperdue. « Vous ? » Puis elle se reprit et continua. « Je ne veux plus dire ce mot-là. Je suis vieille. Il ne peut plus exister que de l'amitié entre nous. Et nous sommes au-dessus des grimaces d'un mariage de raison. Tu seras mon seul ami sur la terre. Et nous vivrons l'un près de l'autre comme des amants. Et toute ma pensée sera à toi. Veux-tu ? » ?»« Si tu veux, » dit-il très bas. Alors, elle lui tendit sa joue mouillée de larmes, et il l'embrassa longuement dans l'obscurité montante. Et ses lèvres amies goûtèrent, en cet unique baiser, toute l'amertume du désir qui mourait dans cette heure exquise. C'était « L'heure amère » par Camille Mauclerc.